Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée aux images de la révolte après la peinture et la photographie. Aujourd'hui, le débat aborde les relations entre cinéma de fiction et documentaire et révolte. Comment l'art des images en mouvement qu'est le cinéma s'est-il emparé des révoltes et des révolutions, aussi bien pour les relater à chaud ou pour les reconstituer dans la fiction? C'est la question qu'avec Victor Massé de Lépinet, qui a préparé cette semaine avec nous, nous allons poser à nos trois invités avec Stéphane Affmeyer. Il est maître de conférences en histoire moderne à l'université de Caen, chercheur au CRHQ, et il a coordonné un ouvrage collectif publié aux presses universitaires de Rennes, Révoltes et révolutions à l'écran. Nous aurons également avec nous Anna Szczepanska. Elle est maître de conférences en histoire du cinéma à l'université de Paris et à Sorbonne au laboratoire Histoire culturelle et sociale de l'art, et coordinatrice du colloque et de la manifestation qui se tient ces temps-ci, Doc Est 89, les communismes racontés par eux-mêmes au cinéma, et réalisatrice de documentaires, et en particulier un documentaire Nous filmons le peuple. Isabelle Marinon est également avec nous, elle est maître de conférences en histoire du cinéma à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, membre de l'association française d'histoire du cinéma, et elle a coordonné et co-dirigé un livre aux presses du Septentrion, Cinéma libertaire au service des forces de transgression et de révolte. Qu'est-ce qui se passe ici? Une nouvelle équipe occupe la mairie, ils sont à côté. D'accord. Et vous, vous êtes là depuis combien de temps? Bonjour messieurs. Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Aujourd'hui, le 11e arrondissement de Paris reprend sa mairie pour s'occuper par lui-même, pour lui-même, de ses propres affaires. On prend le pouvoir pour lutter contre un gouvernement de traîtres. On ne veut plus se faire confisquer la révolution. C'est fini, 48, c'est fini maintenant. La révolution, on la fait maintenant avec tous les gardes nationaux. Nous sommes tous des citoyens du 11e. Nous sommes les élus du comité de la garde nationale. Le gros tiers se heurte à la conviction populaire. Vive les Parisiens! Vive la Nouvelle République! Liberté! Égalité! Fraternité! Comportez-vous, cette situation! Je pense qu'avec l'énergie populaire qui se dégage aujourd'hui, nous irons très loin. Le peuple est en colère. Il a réussi à empêcher l'armée de reprendre les canons. Et vraiment, cette colère est légitime. Mais ce qu'il y a de vraiment enthousiasmant, c'est qu'ils ont réussi à fraterniser. Et ça, c'est vraiment un immense gage d'espoir pour l'avenir. C'est vraiment un jour exceptionnel aujourd'hui. C'est à nous maintenant, la garde nationale, d'assurer le pouvoir du peuple de Paris afin d'éviter le retour de l'ordre ancien. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont fait, le gouvernement entier? Le gouvernement lâche et corrompu n'a que ce qu'il mérite. Pire que d'enlever le pain aux gens, ils leur ont enlevé l'espoir. C'est très dangereux. Imaginez-vous, ils voulaient tirer sur le peuple, sur son propre peuple. Nous, on ne ferait jamais ça. Télévision nationale Versailles, dernière heure. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est avec une douleur profonde que nous devons donner le récit des désordres dont Paris est le théâtre depuis hier. Nous venons d'apprendre avec horreur que les généraux Lecomte et Clément Thomas ont été sauvagement exécutés par la foule qui s'est interposée lors de la reprise des canons de la garde nationale à la butte Montmartre. Un extrait, ou plutôt des extraits, montés par notre réalisatrice Anne Fleury du formidable film Fleuve de Peter Watkins. La Commune, un film qui date du début des années 2000 et qui reconstitue, en particulier dans les locaux de Montreuil, de La Parole Errante d'Armand Gatti, qui reconstitue cette expérience de la Commune avec des comédiens professionnels et beaucoup de noms professionnels. Bonjour Isabelle Marinon. Bonjour. Ça me fait drôle d'écouter ce texte et cet archive parce que hier soir, jusqu'à assez tard, et nous en parlerons demain dans l'émission, nous étions à Saïra, donc cette pièce de Joël Pommerat au Nanterre, au théâtre de Nanterre-Amandier, autour de la Révolution française, et qui a quelques accents de ressemblance entre la façon dont le metteur en scène de théâtre et dont le metteur en scène de cinéma mettent en scène justement ces questions de révolte et de révolution. Vous dites, vous, Isabelle Marinon, je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire du cinéma, que eh bien, dans ce film de Peter Watkins, La Commune, il y a des échos d'une autre commune, peut-être un autre film sur la commune qui date, lui, de 1913. Tout à fait. Effectivement, c'est sans doute, on va dire, les premiers éléments qui a concerné mes recherches. C'est le cinéma du peuple, donc une organisation autogestionnaire et la première expérience de coopérative ouvrière et cinématographique française. Donc le cinéma du peuple, organisé par Armand Guéra, et non Gatti, Armand Guéra, qui fut donc le premier sans doute à penser le cinéma justement comme un en tout cas en France, comme un objet qui pouvait justement être mis au service eh bien d'un autre type d'information et de vision de l'histoire. Différente. Donc La Commune, effectivement, c'est le premier film sur la Commune de Paris réalisé dans l'histoire mondiale. Alors, dans votre livre que vous avez co-dirigé aux Presses du Septentrion, qui s'intitule Cinéma libertaire au service des forces de transgression et de révolte. Avec Nicole Brenet. Voilà, et on découvre une chose absolument extraordinaire, c'est que les anarchistes, si nombreux en cette fin de 19e siècle, d'ailleurs la semaine prochaine paraîtra au cinéma le film Les anarchistes, avec dans le rôle titre Tahar Rahim et Adèle Exarchopoulos, eh bien ces anarchistes de la fin du 19e siècle s'emparent eux aussi de cette nouvelle forme d'art, de ce qui n'est peut-être pas encore considéré comme un art, mais de ce cinéma, de ces images en mouvement, et l'utilisent dès le départ pour leur cause d'une certaine façon. Et il y a différentes manières d'utiliser cet anarchisme dans le cinéma naissant, Isabelle Marinon. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est fondamental, c'est que le cinéma du peuple, en fait, se fonde au même moment que la Fédération anarchiste en France. Donc, curieusement, ce mouvement politique, ou cette organisation politique, se fait jour ici, à Paris, en même temps qu'est pensé, justement, un moyen de penser les images, un nouveau moyen de penser la politique à travers les images. Alors, en fait, le cinéma du peuple est d'abord la motivation première de cette organisation. C'est surtout déjà de contrer, en réalité, les images négatives faites, produites par les sociétés, les grosses sociétés de production qui étaient alors Gaumont, Pathé. Éclair, Eclipse, etc., pour contrer tout simplement les images des ouvriers, vues comme des simples alcooliques, des grévistes qui étaient là évidemment pour détruire l'organisation étatique. Et en fait, les premières images sont avant tout des images qui disent quelque chose de différent, qui disent non, l'ouvrier n'est pas celui qu'on montre au cinéma. Dans les cinémas, l'ouvrier c'est autre chose, c'est un porteur d'espoir pour le peuple, et on va vous le montrer différemment. Ça veut dire que bien avant les groupes Medvedkin, il y avait déjà des gens qui descendaient caméra à la main, ou du moins qui voulaient caméra à la main témoigner de ce qu'était la vie des ouvriers. Tout à fait, exactement. Et alors que effectivement certaines sociétés vont laisser par exemple la parole à d'autres types de productions dans leurs studios, comme les productions pornographiques, eh bien, il y aura des temps où, finalement, les grosses productions laisseraient aussi quelques éléments à des opérateurs de cinéma qui seront des opérateurs de cinéma politisés, ceux-là. Et ils ne verront pas ce qu'ils produiront. Victor Massé de l'Épinay. Oui, dans le film d'Armand Guéra que nous venons d'évoquer, qui date de 1913, il y a les derniers survivants de la commune qui jouent dans ce film. Et dans le film de Watkins, il y a une question qui est finalement la même. Qu'est-ce qu'on fait avec ces révoltes au cinéma? Comment est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'il s'agit simplement de les représenter ou d'une certaine façon de les actualiser? Soit en faisant intervenir les derniers survivants, soit en faisant des parallèles avec, on a entendu, la télévision, la télé versaillaise, etc. Les révoltes, est-ce qu'il faut s'en souvenir, est-ce qu'il faut les représenter, ou est-ce qu'il faut les actualiser et finalement les mettre en présence, leur donner leur actualité? Alors dans les premiers temps des cinématographies libertaires, et notamment, donc je parle essentiellement de la française parce que c'est celle dont je suis spécialiste, de fait, on est d'abord passé par la question de la représentation, effectivement. Donc redonner des épisodes forts de la commune, et effectivement montrer les derniers témoins encore vivants de cette commune, et on peut dire que dans le dernier tableau de la commune, donc cette la commune cette, de 1913, de 1913, hein, on voit un long panorama sur les survivants de la commune encore là. Et évidemment, une figure essentielle qui n'est plus là parce qu'elle est déjà morte en 1905, c'est Louise Michel. Mais on imagine tout à fait que Louise Michel aurait dû être présente si elle avait été encore en vie. Par la suite, effectivement, on va plutôt se tourner vers non plus les propres représentations des révoltes libertaires ou des révoltes ouvrières, pour plutôt s'intéresser à la question de la mise en présence. Et ici, on n'est plus dans une dimension de représenter ou d'actualiser. On est dans l'idée, comme chez Watkins, eh bien de mettre en présence, oui, non seulement des acteurs professionnels, mais encore des gens du commun qui vont jouer au sein de la parole errante pour ce film de Peter Watkins, La Commune, donc film fleuve effectivement, et qui vont au fond intégrer les rôles de communards, de communeux, hein, je précise, puisque le terme de communard est un terme péjoratif. Donc ils vont incarner les communeux et effectivement faire vivre au fond leur quotidien de la société, hein, la société de 2000, ils vont le réinvestir, hein, ces gens de la base, ces ouvriers, ces employés, ils vont se transformer un temps en révolutionnaires s'incarner. Pour l'écran. Voilà, ils vont s'incarner véritablement. Et ça, c'est une véritable proposition, je le dis bien, proposition des cinémas libertaires, c'est cette mise en présence et c'est ce refus de la représentation, c'est-à-dire de la délégation. Oui, bien sûr, ce qui correspond à l'idéal libertaire, en particulier celui du début du XXe siècle. Et vous expliquez bien, Isabelle Marinone, dans votre ouvrage collectif que vous avez co-dirigé auprès du Septentrion, combien il n'y a pas simplement ces films tels que celui de Armand Guéra sur la Commune en 1913, mais il y a tout un tas d'actions qui sont des actions, on dirait de propagande, mais qui ne sont pas de propagande parce que ce n'est pas le terme qu'on utilise à l'époque, mais des actions éducatrices, des actions de façon de produire des films, d'intégrer la question du cinéma dans la question libertaire, tout cela avant la guerre de 14. Tout à fait. Donc c'est dans la même mouvance, hein, véritablement, le cinéma du peuple va produire, je dirais, dans son organisation, les porteurs du futur cinéma éducateur, des offices du cinéma éducateur portés par Gustave Covin, en 1921, qui va s'institutionnaliser d'une certaine manière à partir de cette période-là, et aidé par, pour le coup, des figures importantes comme Herriot, par exemple, qui va supporter, donc les radicaux socialistes vont porter cette idée-là aussi et vont lui donner, du coup, une certaine permanence dans le temps. Parce que Gustave Covin passera de l'anarchisme au radical socialisme, voilà. Et à la franc-maçonnerie dans l'entre-deux-guerres, c'est ça ? Exactement. Effectivement, c'est notamment par cette voie de la franc-maçonnerie qu'on se retrouve là. Mais de fait, ils vont porter l'idée de l'éducation. Les anarchistes de longue date, de très longue date, sont liés énormément à la question de l'éducatif, hein, de l'éducatif. Donc c'est le monde des livres et c'est le monde de l'éducation, et c'est pas du tout un hasard qu'ils se trouvent dans cette idée de porter le cinéma vers justement le monde à la fois scolaire et évidemment d'émancipation. Et alors j'ai découvert aussi autre chose en vous lisant, c'est que la première histoire du cinéma, on la doit à un anarchiste. Oui, Émile Kress, qui était opérateur de cinéma. Et voilà, alors attention, je précise, première histoire du cinéma, première histoire française. Oui, du bien cinéma. Sûr, j'entends. Voilà, Émile Kress, oui, est le premier historien, dans le sens où il récapitule, effectivement. Et quelques années après la naissance du cinéma. Et quelques années après la naissance du cinéma, au tout début XXe siècle. Ouais. Et donc, tout cela, ça fait, selon vous, une sorte de groupe qui est informel, on est dans le milieu de l'anarchisme, mais qui, d'une certaine façon, dit quelque chose de ce rapport à l'image que les anarchistes se donnent au début du XXe siècle. Mais c'est toujours cette idée qu'il faut, non pas actualiser, mais mettre en présence, effectivement, à la fois des actions du moment, mais aussi se rappeler à la mémoire collective, des forces ouvrières et des forces de révolte. Stéphane Affmeyer, alors, en même temps que ce cinéma anarchiste se met en place au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, eh bien, des opérateurs de cinéma, des inventeurs du cinéma comme Méliès, qui sont peut-être moins anarchistes que ceux dont on vient de parler, mettent en scène un peu dans la lignée des tableaux d'histoire, de la peinture historique, une façon d'imaginer la révolte, la révolution, l'histoire en général au cinéma. Et vous avez travaillé avec beaucoup d'autres historiens pour un colloque à Caen, c'était il y a 3 ans de cela, je crois. Oui, en 2012. Voilà, oui, et qui donne lieu à un livre qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes, donc un livre collectif, Révolte et Révolution à l'écran. Vous avez travaillé sur cette façon dont justement, non seulement on ne s'intéresse pas simplement à ce qui est en train de se passer, début d'un cinéma documentaire, mais aussi à ce qui s'est passé et que l'on peut enfin reconstituer, mettre en mouvement sur une toile. Oui, alors, effectivement, mais il faut préciser le sous-titre de l'ouvrage. Hein, ça porte bien sur l'Europe moderne. Donc, c'est bien les révoltes d'anciens régimes. Voilà, une révolte dont on sait quelque chose depuis Jean-Nicolas. Donc, qui constitue un fait social important, puisque Jean-Nicolas avait bien démontré l'augmentation exponentielle des révoltes. Mais, paradoxalement, ces révoltes d'anciens régimes sont très peu présentes à l'écran. Et finalement, la plupart de ces films... Alors, le corpus lui-même est assez limité, puisqu'on on a à peu près une quarantaine de films qui traitent... Tout au long du XXe siècle. Et encore de manière parfois périphérique, mm-hmm. Mais vraiment qui en font l'objet central du film, il y en a très peu. Le premier film historique qui est l'assassinat du duc de Guise en 1908 montre un duc de Guise arrogant mais ne dit, et donc justifiant quelque part son assassinat, mais ne dit absolument rien des ressorts de la guerre civile que connaît alors la France. Le premier film vraiment qui traite d'une révolte, qui en fait un sujet, enfin à ma connaissance, qui en fait un sujet central, c'est le film d'Abel Gance, bon, qu'il considérait comme un film alimentaire, c'est pas un chef-d'œuvre d'Abel Gance, mais c'est le film Jérôme Perrault, Héros des barricades, qui date de 1935, et qui ne traite qu'une toute petite partie de la Fronde, qui ne traite vraiment que du mois d'août 1648, et avec ce que Pierre Sorlin qualifie de translation vers le présent, c'est-à-dire qu'il dit beaucoup plus de choses du Front populaire, enfin de l'ambiance qui de va Paris, permettre au Front populaire d'émerger. Que de la révolte elle-même. Donc finalement, c'est un discours aussi autour du pouvoir, beaucoup plus que de la révolte. Mais et dans un livre important, publié à l'époque par le Centre Georges Pompidou, qui s'appelait Révolte et Révolution au cinéma, qui date, je crois, du bicentenaire de la Révolution française, Marc Ferraud, qui est quand même le pionnier de ce rapport entre cinéma et histoire, expliquait bien que même pour la Révolution française, les représentations de la Révolution française au cinéma étaient relativement rares, Stéphane Affmeyer, et que lorsqu'elles étaient produites, elles produisaient assez rarement la Révolution française dans son entièreté, mais souvent sous des aspects plutôt, chronologiquement très, très datés à l'intérieur de la Révolution française, et que souvent c'était des représentations négatives de la Révolution française et assez difficilement des représentations positives, Stéphane Affmeyer. Oui, tout à fait. Et la Révolution française, il y a un énorme corpus de films, contrairement à ce que dit Marc Ferraud. Sylvie Dallet a recensé plus d'une centaine de films à propos de la Révolution française, dont beaucoup d'ailleurs ont disparu. Un certain nombre sont des films américains, et c'est vrai qu'on y trouve des stéréotypes extrêmement négatifs, que l'on retrouve il d'ailleurs dans les... disait qu'à part la Marseillaise de Renoir, il y avait plus de films qui étaient très positifs vis-à-vis de la Révolution française. Exactement, oui, oui. Les seuls films qui donnent une connotation positive à la révolte sont des films militants qui datent de l'après 68, mais ils sont extrêmement peu nombreux. C'est Les Camisards, par exemple, de René Alliot, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais Marc Ferraud, dans son livre, fait aussi la distinction entre révolution et révolte et explique que si le cinéma français, ouest-européen et américain traite peu la révolution, c'est parce que la révolution, c'est la mise à bas de tout un système, mais qu'en revanche, ces cinémas exaltent la révolte qui ne condamne que les excès ou les abus de ces systèmes et que, en revanche, la révolution, par exemple, est très présente dans le cinéma soviétique du début du siècle en particulier. Comment est-ce que Stéphane Affmeyer vous expliquez, aussi c'est une autre question peut-être, mais le peu de films, le corpus assez mince, de films qui traitent de ces révoltes à l'époque moderne, alors que la révolte est j'allais dire, un objet cinématographique par excellence. Ça se prête très bien au film, c'est quelque chose de très spectaculaire. Oui, la mise à bas d'une perception, la mise à bas d'un château, etc., ça peut donner lieu effectivement à de très belles scènes qui ressembleraient à des scènes de western pour le cinéma américain. Et alors là, il y a quelques explications qu'on peut avancer. Peut-être la difficulté de restituer la complexité événementielle d'une révolte. Restituer une révolte sur le temps long, ça n'est pas facile. On voit bien la difficulté de restituer la Fronde, où souvent ça a été fait par Petitbout. Alors il y a une exception, c'est le film de Roger Planchon en 1993, mais qui lui-même ne montre que la révolte aristocratique. Il n'y a absolument rien sur la révolte populaire. Donc il y a la complexité événementielle, il y a peut-être aussi le coût. Ce sont des films à gros budget, en dehors des Camisards de René Alliot qui avait bénéficié d'un financement de l'ERTF. Le film de Roger Planchon avait coûté à l'époque 55 millions de francs, donc c'était assez coûteux. Et puis peut-être aussi qu'il y a la difficulté de faire passer auprès du public les ressorts profonds d'une révolte. Une anecdote, le film de Marc Rivière en 2009 sur la reine et le cardinal. Ils ont bien évité de prononcer le mot fronde lorsqu'ils ont essayé de le présenter aux producteurs, ce qui montre bien que pour eux c'était un terme dissuasif. Mais on peut avoir, de façon plus proche, des close-ups sur la révolte, par exemple, avec Rabah Hammerzaimech, qui fait ces fameux chants de mandrins, qui sont une façon extraordinaire de raconter ce qu'est, dans la France de l'Ancien Régime, justement, le rapport au pouvoir de ces bandits qui circulent à l'intérieur des montagnes du sud-est de la France, par exemple. Oui, alors il y a une fascination pour le héros révolutionnaire, mais toutes les révoltes ne se prêtent pas à l'exaltation d'un héros. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pour les révoltes d'Ancien Régime, avant tout une révolte collective où dégager une figure de héros révolutionnaire est assez difficile. Ça suppose déjà un choix, vous voyez, une sélection à l'intérieur du panel de toutes les révoltes populaires. Et vous parliez tout à l'heure de René Alliot, un extrait des Camisards de 1972. Gédéon, la porte ! Tu cours comme un lapin! Tu refuses le combat comme un lâche, sans honneur! On te fumera! Retourne à tes fornications! Tu es un lâche! Tu ne sais pas te battre! Foule mouillée! Ils s'éloignent. On les suit. En route ! Et oui, ce fameux Gédéon Laporte qui a laissé dans les mémoires le souvenir d'être un des premiers des Camisards. On se dit que ça marche bien le cinéma à la radio quand même. On les voit là en train de s'apostropher du haut d'une colline et jusque dans la vallée. On imagine le paysage Sévenol. Victor Massel Lépinet. Oui, les Camisards de René Alliot tournaient essentiellement aussi avec des amateurs, comme la commune de Watkins, comme beaucoup de films de révolte. Cette question de à qui incarne les révoltés est peut-être liée à ce que vous disiez à l'instant, Stéphane Affmeyer, sur le héros. La volonté de ne pas mettre de héros, la volonté de faire jouer des amateurs, ça nous dit quelque chose aussi du rapport des cinéastes qui ont mis en scène ces révoltes avec une lecture politique de ce qu'on veut montrer. Alors ça fait partie des exceptions. Les Camisards de René Alliot sont un film militant dans la mouvance d'après 68, qu'on peut rapprocher d'ailleurs d'autres films qui montrent aussi la révolte populaire comme We Stanley, un film anglais qui parle de la révolte des Diggers en Angleterre. Alors le film de Alliot est vraiment intéressant parce que alors la réception a été très favorable du côté des historiens modernistes. Certains ont même dit à la sortie du film que voilà un film qui permet de mieux comprendre les motivations des insurgés. Alors c'est un film effectivement tourné dans des paysages Sévenol, donc avec la volonté d'une reconstitution au plus près de l'événement, la volonté aussi de montrer la vie matérielle, de montrer le quotidien, et finalement de faire ressortir la légitimité d'une révolte contre l'oppression. hein, parce que c'est un film qui, derrière un aspect très, très doux, finalement très tranquille dans ce paysage cévenol, montre aussi une grande violence. Une grande violence verbale, déjà dans la diabolisation. Pour le mouiller, c'est fort, hein, comme insulte. Oui, mais il y a des scènes dans l'Église, notamment non, de diabolisation des protestants, qui justifient finalement le qui appelle à leur extermination. Et puis c'est la violence aussi physique, où on voit, y compris des femmes parmi les paysannes révoltées, achever des blessés. Enfin, il y a aussi cette violence de la révolte qui est montrée de manière un peu brute. Hein, oui, si Alliot ne voulait pas prendre parti. Mais quelque part, même s'il s'appuie, il dit s'appuyer d'ailleurs sur les mémoires des Camisards, il justifie aussi un projet qui est de dénoncer une sorte de combat intemporel contre l'oppression. Oui, mais tout de même, il y a aussi chez lui la lecture de Foucault, de Moi Pierre Rivière, qui mettra en scène aussi, et donc toute cette vision aussi d'une France d'Ancien Régime qui n'est pas une France de tranquillité. On aurait tendance, Isabelle Marinone, à séparer, puisque le principe de l'histoire ou de l'historien, c'est de découper en tranches, ou de l'historien du cinéma, de découper en tranches cet art majeur qu'est le cinéma. Mais on sent bien qu'il y a des passerelles entre ce que vient de dire Stéphane Affmeyer et les cinémas de type anarchiste sur lesquels vous avez travaillé. C'est-à-dire que un spectateur, il est peut-être anarchiste, mais quand il rentre dans une salle de cinéma, il ne sait pas ce qu'il va voir. Donc, au bout du compte, il voit des films dont il se nourrit, et ses références transversales servent à son propre travail ensuite. Bien sûr. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le cinéma n'est pas un objet tout à fait neutre. C'est-à-dire que d'abord, le cinéma, c'est avant tout une industrie. Quand même. C'est quand même quelque chose d'absolument. C'est aussi une industrie. Oui. C'est quand même un élément très important. Et ce que vous disiez est tout à fait juste, puisque évidemment, dans le cas d'Alliot, en tant que personnalité, grand cinéaste aussi documentariste qui va s'inclure dans des pensées plutôt communistes, il va y avoir évidemment un référent qui sera pour lui notamment le front populaire de 36 aussi, et ce qu'avait pu mettre en place Renoir, etc. Pour la Marseillaise. Voilà, pour la Marseillaise notamment. Mais de fait, la notion de collectif et de mise en présence, là encore, d'amateurs aussi dans le cinéma, pour en faire autre chose, pour le faire justement jaillir vers d'autres formes que l'industrie, justement, pour des spectateurs qu'on va d'une certaine manière éveiller. Hein, il y a vraiment cette notion de pédagogie, de didactisme aussi, qui fonde, je pense, de manière commune, ce type de cinéma militants, et à travers des organisations de cinéma autogestionnaires ou collectivistes qu'on retrouvera évidemment forcément dans les productions 68 aussi. Et puis tout de même, il faut faire entrer la troisième, la ronde de cette table ronde, Ania Szczepanska. Il faut se dire qu'il y a des espaces géographiques dans lesquels révolte et révolution ne signifient pas forcément la même chose, des espaces géographiques dans lesquels, par exemple, la mise en scène de la révolte ou de la révolution ont été très tôt magnifiés par un cinéma naissant, et en particulier tout l'univers lié au cinéma soviétique, et que cet univers-là, donc, qui a ensuite a nourri tous les cinémas d'Europe centrale et orientale après 1945 et la prise de pouvoir par les communistes, eh bien, n'a peut-être pas tout à fait la même vision de ce qu'est une révolte ou de ce qu'est une révolution au cinéma, Ania Szczepanska. Oui, tout à fait. Vous parliez, Emmanuel Laurentin, de passerelle. Et en écoutant Isabelle Marinone, je me suis aperçue à quel point les documentaristes d'Europe centrale après 1945 étaient animés d'un esprit anarchiste, finalement. Et cette question ouvrier, c'est autre chose. C'est exactement la question centrale du cinéma documentaire d'Europe centrale après 1945. Oui, parce qu'on a là la valorisation de révolte ou de révolution, disons, institutionnalisée par la révolution soviétique. Le cuirassé Potemkin et tout un tas d'autres films de cette époque. Et donc, évidemment, lorsqu'on veut se démarquer du régime en place, eh bien, on va faire autre chose. Et peut-être un cinéma documentaire documentaire qui va utiliser les moyens donnés par le cinéma officiel pour pouvoir détourner, contourner les consignes, en particulier Anja Szczepanska. Alors c'est vrai que la situation est très différente après 1945, puisque la genèse même d'un cinéma d'État, d'un cinéma socialiste, va à l'encontre d'une représentation possible des révoltes populaires, puisqu'il n'y a plus de révolte. Mais oui, il n'y a pas de raison d'en avoir de toute façon, puisque les ouvriers sont au pouvoir. Voilà. Donc ce cinéma du peuple est fondé après-guerre en 1945, 1946, puis 1947. Et les images qui sont filmées sont celles d'un projet politique, d'un projet socialiste avant tout. Donc à notre époque aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer que ces images sont rares. Les images de révolte sont beaucoup plus rares. Dans un régime d'hypervisibilité, on n'a pas de raison de filmer ces images. Donc ces images, elles sont filmées en marge. De façon clandestine. Soit de façon clandestine au fur et à mesure, notamment dans les années plutôt 80, une fois que le matériel le permet. Ou sinon, tout simplement par les services de sécurité. Puisque filmer les révoltes, c'est aussi un moyen de contrôler, d'identifier qui est à l'origine de ces révoltes, de classer et de mieux pouvoir surveiller pour pouvoir éviter ces révoltes. C'est un des thèmes que vous avez développé dans le colloque qui s'est déroulé hier et avant-hier, donc qui s'appelait DOKEST, D-O-K-E-S-T 89, les communismes racontés par eux-mêmes au cinéma, et que vous avez aussi développé dans un film documentaire que vous avez vous-même réalisé, puisque vous êtes à la fois historienne du cinéma et documentariste. Nous filmons le peuple, Anja Szczepanska. Oui, alors dans ce colloque qui a eu lieu hier et avant-hier à l'INHA, organisé par Nadège Raguerou et moi-même, nous avons essayé de voir comment les cinéastes documentaristes, après 89, s'étaient emparés de ces images produites par le régime ou produites avant 89 par des cinéastes. Oui, parce qu'on imagine bien que même si ces images avaient été produites, elles n'étaient pas trop visibles avant 1989. Oui, alors il y a évidemment différents cas de figure. Hier, nous avons vu un très très beau film, Mon journal clandestin, de Jacek Petrycki, filmé donc de manière clandestine. Il filme le quotidien des leaders de Solidarité. C'est-à-dire qu'on se met là dans la préparation de la révolte, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est dans un moment d'interdiction. Solidarność n'existe pas ou n'a pas le droit d'exister, mais lui, dans la cuisine, pourrait-on dire, c'est le cas de le dire, va filmer ceux qui préparent la sortie au grand jour. Alors vous citiez Féraud tout à l'heure, et Féraud disait que finalement c'est facile de filmer une révolte, mais pas la révolution, parce que c'est très facile d'en stigmatiser les excès, mais que les cinéastes ne s'emparent pas très souvent des origines de la révolution. Eh bien j'ai l'impression que les cinéastes d'Europe centrale, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, tout au long de l'histoire du cinéma d'Europe centrale, on essaye de montrer cette révolte à venir, de montrer comment les consciences évoluent, comment la prise de parole se fait. Et ça se fait comment? C'est-à-dire que on a du petit matériel de tournage. On peut pas. On est des contre-révolutionnaires si on fait ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Donc on est déjà dans une optique où on a renversé la proposition, où ceux qui filment quelque chose qui est un acte contre-révolutionnaire, donc qui va à l'encontre de l'histoire du mouvement ouvrier telle qu'elle est vue par les communistes à l'époque. Et ils font quoi? Ils filment avec des petites caméras? Il n'y a pas du tout. C'est ce qui est, je pense, le plus fascinant en étudiant cette histoire du cinéma-là, c'est que cet acte contre-révolutionnaire se fait à l'intérieur même des institutions. Et il se fait de manière très subtile, en donnant la parole, en faisant émerger la parole par des portraits justement d'ouvriers, mais en ne parlant pas d'un renversement possible du régime, mais des conditions de vie, des choses très pratiques. Comment vivez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire être ouvrier? Et cette parole-là, il y a un très très beau film de Kieślowski, Les têtes parlantes, où il pose simplement trois questions. Quel âge avez-vous? Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Un film de 1980. C'est révolutionnaire proprement, effectivement. Et ça devient révolutionnaire à partir du moment où les gens disent qu'ils veulent plus de justice, plus de liberté, plus de démocratie. Alors, ils parlent, on a juste leur visage, on n'a pas l'effervescence populaire. Mais on voit dans ce visage toute la puissance à venir de la révolte qui va en effet avoir lieu. Et donc, au bout du compte, ce qui est difficile, c'est qu'on n'est pas dans le filmage ou la réalisation de films sur la révolte elle-même, mais on est dans l'univers mental de ceux qui permettront ou qui vont voir faire advenir la révolte ou la révolution, en l'occurrence. Alors, jusqu'à la fin des années 70, oui, mais il y a quand même un grand changement à partir du moment où les ouvriers des chantiers navals de Gdańsk décident de faire la grève en août 80. Oui. Et à ce moment-là, on se met vraiment à filmer Oui, parce que là, on est au grand jour. Là, on est au grand jour. Il y a quelques mois pendant lesquels c'est possible, puisqu'après, il y aura le coup d'État de 1981, et donc le retour à la clandestinité. Voilà. Mais pendant quelques mois... Pendant ce carnaval de solidarité, on va se demander... Mais là, c'est vraiment un enjeu médiatique. Quelle caméra on va laisser entrer au chantier naval? Vaïda va pouvoir entrer, mais pas les caméras des télévisions communistes. Donc l'enjeu de comment filmer ces grèves sera évidemment au cœur d'une stratégie politique. Comment filmer et ensuite comment monter les images dont on dispose? Oui, alors il y a un petit exemple très intéressant de Kieślowski qui a filmé en 70-71 des portraits d'ouvriers et ces images ont été remontées pour faire un autre film, pour montrer un portrait très positif et évidemment il a enlevé son nom de ce film. Et puisque vous évoquiez le nom de Andrzej Wajda, eh bien on va écouter un de ses premiers films, sinon son premier film. Cette trilogie guerrière qui s'appelle Canal. Qui s'appelle Canal. Rok 1944. Fin septembre 1944. L'insurrection de Varsovie touche à sa fin. La vieille ville est déjà tombée. Le centre, assiégé par les troupes allemandes, est en flammes. Cette compagnie compte 43 hommes. Il y a 3 jours, ils étaient 70. Voici leur commandant, le lieutenant Zavra. Il les a enrôlés. Ils se sont responsables d'eux. Voici son adjoint Madry. Et voici leur agent de liaison, Alinka. On zwerbował tych ludzi, ponosi za nich pełną odpowiedzialność. Zastępca dowódcy kompanii, porucznik Mądry, wpoił w swych chłopców żelazne zasady dyscypliny wojskowej. A oto łączniczka, Alinka, wychodząc z domu... En partant de chez elle, elle a promis à sa mère de s'habiller chaudement. Oni też pewnie to obiecywali. Eux aussi, ils ont dû promettre. Toutes les mères se ressemblent. Ma wzorowy charakter pisma, w jego teczce mieści się ewidencja oddziału. Podchorąży Kora. Cierpi bardzo na brak codziennej kąpieli. Ale dla chłopców z trzeciego plutonu nie jest to największe zmartwienie. Smukły jest zastępcą Koraba. Po wojnie chciałby budować samoloty. En voilà Andrzej Wajda qui raconte la révolte sous ses différentes fonctions, manières, formes, pourrait-on dire, Ania Szczepanska, c'est-à-dire Canal, c'est la révolte pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite il y aura l'homme de fer, l'homme de marbre, il y aura Danton qui racontera une révolution. Et c'est vrai qu'il va s'emparer tout au long de son cinéma, de ces questions de la révolte. Là, il filme l'insurrection de Varsovie. C'est un thème qui émerge très vite, mais évidemment qui est difficile à filmer, puisque il faut expliquer les mécanismes d'action, qui dirige l'insurrection de Varsovie. Ce qui était intéressant chez Wajda, c'est qu'il a essayé à la fois de filmer la révolte, mais il a également essayé, et ça c'est beaucoup plus difficile, de donner à voir un débat idéologique. Et je trouve que Danton est peut-être un de ses meilleurs films. Cette capacité la scène entre Danton et Robespierre absolument est absolument extraordinaire. Formidable. où il justement choisit des corps capables d'incarner des Wojtek Czerniak pour Robespierre et Depardieu pour Danton. Pour Danton. Et c'est très courageux d'avoir cherché à filmer ce débat idéologique. Vous savez que c'est le film le plus détesté, je crois, par Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'il m'avait confié un jour. Évidemment, parce qu'il déteste effectivement cette vision de la Révolution française, en l'occurrence, qui donnerait presque raison à Danton. Isabelle Marinone et Stéphane Affmeyer, qu'est-ce que vous tirez de ce dialogue par-delà les frontières, de cette question justement du rapport à la révolte et à la révolution, selon l'endroit où l'on se place, et là aussi, chaque cinéma est porteur de l'histoire du pays dans lequel il se situe, Isabelle Marinone. Ah, bien évidemment. Pour ce qui est du versant anarchiste, on se positionne malgré tout très loin de la vision, pour le coup, du cinéma communiste, bien sûr. Voilà, on sait... Voilà, c'est la phrase de Lénine, hein. Le cinéma, c'est la première arme. Et effectivement, en tant qu'industrie cinématographique, certes bolchévique, soviétique, elle n'a pas du tout les mêmes contraintes et les mêmes ressorts. Et effectivement, y compris les figures beaucoup plus récentes, beaucoup plus contemporaines à partir de ces années de l'après-guerre, de la seconde après-guerre, on va voir effectivement, malgré tout, cette contrainte du régime qui... Tu expliques très bien, Anya, évidemment. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris en vous lisant dans le collectif que vous avez dirigé à l'occasion de ce colloque de Caen, Stéphane Affmeyer, c'est de voir dans les films de la révolte, alors ça m'a un peu révolté, mais en même temps, j'ai très bien compris en le lisant, de voir le juif sus. Ce film nazi des années 30 dont vous dites, en l'occurrence c'est un des collaborateurs de ce colloque qui le dit, qu'en bout du compte, Schaffer, oui. Voilà, que ce film-là est un film de la révolte, alors on peut dire de la contre-révolution, ou je ne sais, enfin de la question de l'identitarisme allemand, effectivement, donc un film antisémite, et le plus grand des films antisémites peut-être de ces années-là, et il le prend comme un film de la révolte. Alors que ce n'est pas une révolte, oui. Effectivement. À l'origine, c'est un procès, tout simplement, envers un financier qui s'appelait Joseph Suss Oppenheimer, qui était apparenté d'ailleurs à la famille de Samuel Oppenheimer, qui était le grand financier de l'empereur Léopold. On est au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, donc c'est une révolte qui, une révolte entre guillemets, qui est censée se situer dans le Württemberg en 1733, et dont Goebbels fait une révolte avec une foule révolutionnaire qui en réalité n'existait pas à l'époque. Donc au service de l'idéologie nazie. Voilà. Il réinvente un événement historique pour essayer de transformer le personnage de Suss Oppenheimer, qui avait été d'ailleurs plutôt présenté de manière positive dans le roman de Feucht, un roman de 1934, le nom m'échappe, mm-hmm. mais et qui a fait l'objet d'un film britannique à la Gaumont en 1934, et il le transforme totalement, finalement, pour en faire un personnage négatif. Et pour inventer une révolte qui était inexistante à ce moment-là, en l'occurrence. Exactement. Victor Massel-Lépine. Oui, on retrouve la phrase de Lénine qu'Isabelle Marinon vient de dire, le cinéma c'est la première arme, et aussi celle de Godard que vous mettez en introduction de votre ouvrage, Stéphane Affmeyer, on se demande si le cinéma n'a pas été inventé pour déguiser le réel aux masses. Et là, je voudrais revenir au cinéma documentaire, peut-être, avec vous, Anna Stepanska. Est-ce que l'idée de légitimité de qui filme, c'est-à-dire, là on n'est plus dans la reconstitution, mais même les images, quand on documente une révolte, selon si c'est les forces de l'ordre, selon si on est partie prenante de cette révolte, on n'a pas les mêmes images, on n'a pas le même montage, et pour autant... Enfin, la question n'est pas résolue. C'est pas parce qu'on est à l'intérieur que ça va donner la bonne image de la révolte. Bien sûr. Anya Szczepanska. Oui, parce que la représentation de la révolte, c'est surtout une question de reconstruction, finalement. Et l'exemple de Vaïda, l'homme de fer, est un très bon exemple. Il a, dans ce film, réutilisé toutes les images qui avaient été filmées par des documentaristes à l'intérieur du chantier naval de Gdańsk, mais il était conscient que ce n'était pas suffisant. Parce que quoi? Parce que des images de révolte, c'est avant tout des images de chaos, finalement. Mmh. Et un film, c'est quoi? C'est donner une forme à ce chaos. Donc il faut un héros. Lerwałęsa était un héros, il en a fait un personnage de fiction. Mais il a écrit un scénario en réutilisant ces images d'archives et en demandant aux ouvriers de devenir les figurants de son film de fiction. Et donc il a fait rejouer toutes les négociations, toute la grève, par ses ouvriers, à qui il a demandé de revenir habillés de la même manière, de s'asseoir exactement à la même table, pour revivre finalement ces grèves et ces négociations. Une sorte de réincarnation. C'est une réincarnation, mais à l'intérieur d'un cinéma de fiction qui joue de ces images documentaires. Il y a eu l'an passé en Pologne un documentaire fait uniquement avec des images d'archives sur l'insurrection de Varsovie. J'ai pas pu en voir des images. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'il oui, présente ça comme un, bien sûr. Comme alors, un très grand il projet. Y a toute le... Vous avez sans doute entendu parler de l'espèce d'explosion médiatique autour de ce film, puisque c'était un film uniquement fait en effet d'images d'archives. Qui ont été colorisés, qui ont été... Tiens, ça nous surtout... rappelle quelque chose, puisqu'avant-hier, oui. On a eu le Staline de Costel et Clark à la télévision française. Comme vous voyez, la mode d'apocalypse s'exporte massivement, malheureusement. Très facilement. Mais surtout, la bande-son est terrible de ce film. J'espère que allez le voir, mais on fait parler l'opérateur qui est censé filmer en essayant de ressentir les émotions qu'il éprouve devant les flammes, devant la souffrance. Donc c'est extrêmement artificiel. Ces images ne sont absolument pas ni commentées, ni contextualisées, ni pensées. On utilise leur force émotionnelle, mais ils n'utilisent finalement rien de l'insurrection de Varsovie, à mon sens. Alors, vous n'êtes pas un spécialiste, Stéphane Maffayer, d'histoire du cinéma en tant que tel, contrairement aux deux personnes qui vous encadrent à cette table. Qu'est-ce que ça vous a appris en tant qu'historien de l'époque moderne que de travailler sur cette question de la représentation? Vous disiez tout à l'heure, quand les camisards sont sortis, les historiens ont été plutôt contents. Je pense que quand le 1789 de Mnouchkine est sorti, c'était un peu la même chose. Quand le Molière de Mnouchkine est sorti, c'était un peu la même chose. Il y avait dans la vision des historiens quelque chose qui leur disait qu'il y avait là des possibilités presque pédagogiques, pourrait-on dire, pour mettre à portée d'un public de la fin du XXe siècle une histoire qui s'éloignait progressivement, cette histoire de l'Ancien Régime en particulier. Oui, parce que le cinéma a une puissance d'évocation absolument extraordinaire. Il reconstitue ce qui échappe finalement à l'historien, c'est-à-dire l'archive, même si Arlette Farge a évoqué sa dimension olfactive, est très pauvre finalement pour reconstituer tout l'univers d'une époque. Et c'est le grand avantage du cinéma. Certains films historiques sont de très grande qualité à ce niveau-là. On peut penser au travail de Stanley Kubrick, par exemple, pour essayer de reconstituer jusqu'aux éclairages de l'époque. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension pédagogique, bon, qui a ses limites, parce que tout film historique est forcément, comme vous l'avez dit, une reconstruction, une reconstitution, une déformation par rapport et en plus fait parler l'histoire au présent. Voilà, donc, comme vous le disiez pour le Juif Sus, c'est effectivement la France l'Allemagne de 1934-35 qui est décrite dans cette vision nazie de l'histoire et pas forcément la véritable histoire du XVIIIe siècle. Bien sûr. Mais alors, ce qui intéresse l'historien moderniste ou d'autres périodes, à la limite, c'est surtout quand on travaille sur des questions sur des objets d'histoire culturelle liés à l'histoire des représentations, c'est la manière dont le film finalement se situe en quelque sorte au bout de la chaîne d'une écriture historiographique. Comme dernier maillon d'une histoire en train de s'écrire. Comme dernier maillon, comme révélateur aussi d'un imaginaire social qui lui-même est composé de strates qui sont formés par l'accumulation des narrations héritées depuis le temps même de l'événement. Donc c'est très intéressant à travers un film justement d'essayer de voir ce qui se joue, d'essayer d'isoler à la fois des tropismes cinématographiques, même si on n'est pas historien du cinéma, on en repère un certain nombre, et puis il y a aussi la force des stéréotypes. Ça, c'est tout à fait frappant concernant la représentation de la foule, la représentation des femmes. De Marie-Antoinette. Là, on a des constantes. Isabelle Marinon, ça permet un dialogue fructueux ou difficile entre historien du cinéma et historien tout court? C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, bien que les historiens, avec un grand H, se sont mis, donc notamment grâce à Marc Ferrou. Et toute l'école qui a suivi. Forcément, et toute l'école qui a suivi à la question du cinéma, évidemment, comme source pour l'histoire, on le sait bien. Jean-Pierre Fertin-Maguet et d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que malgré tout, du point de vue institutionnel, encore aujourd'hui, y compris à l'université d'ailleurs, les historiens du cinéma ne sont pas toujours les premiers à parler parfois de cinéma. On invite essentiellement des historiens ou des sociologues ou des... Agnès Tepinska. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire pendant ce colloque. Mais oui, ce colloque de deux jours, vous aviez mélangé les deux ou quoi? Pas du tout. Ce colloque était consacré donc à l'écriture documentaire de l'histoire et nous avions centré notre réflexion sur la question du montage. Parce qu'il me semblait que justement pour faire dialoguer les historiens et les cinéastes et aussi les monteurs, il fallait s'intéresser au processus de fabrication des films. Pas seulement l'œuvre achevée, mais comment... De la mise en place. Vous voulez dire un peu la fabrique de l'histoire, c'est ça? Exactement, et c'est pour ça qu'Anaïs Quin est intervenue aussi dans ce colloque. Ce processus, pourquoi? Parce que je pense qu'il est essentiel de comprendre ce que peut le cinéma et ce qu'il ne peut pas. Et en sachant comment le montage fabrique cette forme cinématographique de l'histoire. Et dans ce colloque, nous avons réuni à la fois donc des monteurs, mais aussi par exemple des juristes, qui parlaient de la possibilité de protéger ces images d'archives, en lien avec justement des historiens du cinéma et des historiens. Et le dialogue a été très fructueux. Et de toute façon, les historiens savent ce qu'il en est du montage. On sait sélectionne dans les sources que l'on a, pour faire une bonne thèse, il faut avoir choisi les bons extraits dans lesquels on va pouvoir faire reconnaître au lecteur ce qu'il en est de l'époque qu'on est en train de traiter. Alors la question du choix, du tri des archives, évidemment, de la question de l'écriture, de la temporalité, évidemment c'est quelque chose en commun. Par contre, la question de l'émotion cinématographique est beaucoup plus dur à penser. Et puis, du fait que le cinéma, documentaire ou pas, n'a pas de notes en bas de page ni de bibliographie. Exactement. La question du récit et la manière dont on va reconstruire cette complexité historique dans un récit. Je pense que c'est la question clé. Stéphane. Alors, les cinéastes eux-mêmes, parfois, avouent leur influence par l'historiographie savante. C'est-à-dire que dans l'écriture cinématographique, on a parfois l'influence de travaux très récents. Par exemple, Planchon disait avoir été très influencé par le Mazarin de Goubert. Donc, du coup, ça permet aussi de modifier la représentation du personnage. Si vous prenez la représentation de Mazarin entre 1935, 1993 et 2009, on a un renversement historiographique total. Mmh. Autant c'était un Italien assez déplaisant, hautain, détesté par la foule chez Abel Gance en 1935, autant il devient un personnage charismatique, séducteur, raffiné en 2009 dans La Reine et le Cardinal. Eh bien, imaginez que demain, je pense, nous allons discuter de tout cela avec Arlette Farge, Fabrice Delmeda et Bénédicte Savoie pour notre table ronde fiction qui conclura d'ailleurs d'une certaine façon, un peu de façon hasardeuse, cette semaine consacrée aux images de la révolte, puisqu'on parlera par exemple du fils de Saul qui vient tout juste de sortir en salle et qui est effectivement, on doit pouvoir penser, je ne sais pas, je ne connais pas, que le réalisateur de ce film a lu à peu près tout ce qui a été écrit par les bons historiens, les grands historiens sur la Shoah, sur les Sonderkommando et sur ce qui se passait à Auschwitz donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien comment effectivement un cinéaste documentaire ou de cinéma de fiction peut être influencé par la lecture des historiens. Merci à tous les trois. Merci à vous Isabelle Marinone pour votre livre en particulier donc qui est consacré à la question justement de cinéma anarchiste. Vous l'avez co-dirigé, ça s'intitule donc aux presses du Septentrion. Cinéma libertaire au service des forces de transgression et de révolte. Stéphane Affmeyer, Révolte et révolution à l'écran, c'est aux presses universitaires de Rennes. Et Ania Szczepanska, donc ce colloque donnera lieu à une publication un jour, Doc Est 89, les communistes racontés par eux-mêmes au cinéma. Vous pouvez l'entendre sur le site de Doc Est 89. Voilà, donc on peut aller sur ce site, DOKEST 89. Et puis, vous avez une projection, c'est samedi. Oui, alors la rétrospective Doc Est 89 a lieu jusqu'à samedi au cinéma Le Méliès de Montreuil et en région parisienne. Juste à côté de Paris. Je dis pour les auditeurs qui nous écoutent ailleurs qu'à Paris. Métro ligne 9. Et nous filmons Le Peuple sera projeté au Forum des Images samedi prochain dans le cadre des Étoiles de la SCAM à 16h15. Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marcet, Luc Availlan était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Et nous terminons par la musique du Potemkin, évidemment, d'Eisenstein.